La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste. On va parler 27. De judo. Il y a une page, tu vois, qui s'est tournée samedi à Saint-Jean d'Arc dans le cadre du gala de fin d'année du judo. Laurien Lévesque, après plus de 40 ans en tête du club de judo Albatros, a tiré sa révérence. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec lui. Bon après-midi, Laurien. Bonjour. Laurien, 40 ans de bénévolat, c'est quelque chose. Quand tu regardes ça, est-ce que si je t'aurais dit au début que tu aurais fait 40 ans, est-ce que tu m'aurais cru? Certainement pas. Je veux dire, de notre côté, on prend ça année par année. Je veux dire, si m'avait dit qu'il y a 40 ans que je ferais autant d'années, ben c'est bien sûr que j'aurais pas acquiescé, parce que ça paraît long, mais quand on prend ça année par année, ben ça passe tranquillement, puis on a les résultats qu'on a. Qu'est-ce qui a motivé Laurien Lévesque tout au long de ses 40 ans à faire du bénévolat? C'est la passion, j'imagine, pour le judo? Ben, au début, là, on est aiguillonnés, là, on a le feu sacré, on a nos athlètes qui performent, puis d'année en année, on a d'autres qui performent, ce qui fait que ça nous donne un peu le goût de continuer, puis d'entamer d'autres étapes dans l'année qui va suivre. Alors, on a eu quand même beaucoup de champions, ce qui fait que ça motive énormément. Puis, il reste que ça va de soi que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais après 40 ans, je peux te dire que maintenant, l'énergie est un peu moins présente, ce qui fait que c'est là que j'ai décidé de prendre ma retraite, là, non sans réflexion, parce que ça fait 3 ans que je pense à prendre ma retraite, là, concernant ça. Donc, progressivement, ben j'ai délaissé des choses. Et comme il y avait une relève qui se faisait sentir là dernièrement, donc j'en profite justement pour m'exécuter de ce côté-là. OK, on va en parler plus tard de ce qui s'en vient pour le club de judo. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Ah, mon meilleur souvenir, j'en ai quand même plusieurs. C'est... C'est toujours plaisir lors des compétitions, on a des athlètes qui performent au niveau canadien puis qui sont médailles d'or, puis d'autres qui vont au niveau international puis qui réussissent à performer au point de vue international. D'ailleurs, on a une athlète là, Marie Besson, qui est origine du club, qui performe énormément au niveau national et même international. Donc et j'ai, au moment de l'arbitrage aussi, là, j'ai gradué à international C, là, c'est un élément qui, dans ma carrière, là, était très, très important. Donc, je pense que ça souligne un petit peu mes grands souvenirs, ça. OK. Quel a été peut-être le plus bel athlète en 40 ans que t'en as vu, là, des judokas, là, qui ont passé à Dolboum Sisny? Bien, j'ai eu différents tempéraments en tant que judoka, là. J'en ai eu de tous les acabits. Comme je te disais tout à l'heure, ceux qui ont performé au point de vue national et international, j'ai Larry Besson qui a atteint le niveau de 5e dan, qui a été sur l'équipe nationale. J'ai une Marie Besson à l'heure actuelle qui est sa fille qui performe aussi. J'en ai eu plusieurs qui ont fait l'équipe du Québec. En fin de compte, là, je devrais pratiquement en nommer plusieurs, fait que j'ai pas de spécification. OK. Laurien, si on parlait un petit peu de est-ce que tu as un regret peut-être face à ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas accompli que tu aurais aimé accomplir au bout de ces 40 ans, là? Ben, côté arbitrage, parce que je faisais les deux. J'étais entraîneur, j'étais directeur technique, j'étais arbitre régulier. J'aurais aimé obtenir le grade international A. Okay. Donc, j'ai promis seulement international C. Le temps m'a peut-être manqué, mais cependant, j'ai comme consolation, j'ai un de mes élèves qui a atteint le grade international A, et j'en ai une qui présentement est une fille qui est internationale C, comme moi, donc ça me soulage un peu de ce côté-là. OK. Si on parlait maintenant du club actuellement, club de joueurs Albatros, comment il va là, actuellement? Tu l'as dit tout à l'heure, je laisse quand même le club en bonne santé, il y a de la relève. Comment tu le trouves jusqu'à maintenant? Ben non, j'ai une relève. C'est-à-dire que comme je prenais ma retraite, puis qu'il y a quelqu'un qui, dans la personne de Joël Paquette, qui a manifesté le désir de prendre la relève, j'ai sauté sur l'occasion. OK. Donc, moi, je pressentais plus pour me prendre la relève du club, d'obtenir l'arrêt de fond, qui est quand même beaucoup d'expérience. Mais en deux mots, on choisit le moins, puis l'arrêt, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a laissé cette année. Donc, je m'en vais vers Joël Paquette. OK. Joël, je pense que c'est son garçon, c'est Simon Paquette qui performe bien par là-dessus, je pense. Hein, une belle relève aussi, OK. Ouais. T'as vu où, Marie Besson? Parce que tu en as vu là, des judokas dans ta carrière. Marie Besson, t'as vu aux Olympiques? Ben, disons que je vais dire que la marche est haute. Présentement, là, elle commence un petit peu à performer au point de vue international. Dernièrement, elle a eu une cinquième place au point de vue international. C'est sûr que d'ici 2020, il va falloir qu'elle performe au point de vue international puis obtenir des points pour classifier justement sa catégorie. Okay. Alors, pour le moment, en tout cas, là, sans que j'ai un bémol, là, on est en attente de. Il y a des chances probables de peut-être faire les Olympiques, mais il va falloir que d'ici les prochaines années, là, qu'elle fasse son nom au point de vue international. C'est quoi le pic? On arrive à quel âge au judo, judoka, là? On arrive à son sommet à quel âge à peu près? Ben, dans le cas de Marie Besson, elle est quand même relativement jeune, là. Ouais, OK. Au niveau de l'âge, quand quelqu'un a 28, 29, 30 ans, là, je veux dire, c'est pas le maximum, mais on a déjà vu qu'ils ont fait un peu plus, là. Okay. Et donc, c'est pas le problème pour Marie Besson à l'heure actuelle. OK. Laurien, quand ça fait 40 ans que tu t'occupes du judo, ça, tu vas trouver ça bizarre à la tête? J'ai pris ma décision, puis j'ai cogité pendant un bon bout de temps là-dessus. Okay. Fait que je suis prêt. Comme quand j'ai pris la retraite de l'enseignement au secondaire, parce que j'étais professeur au secondaire aussi, puis j'ai enseigné pendant 36 ans, moi, je suis du genre là, que quand que je prends une décision, je veux dire, c'est définitif, puis je veux dire, ça a été étudié d'avance, puis ça va être la même chose pour le judo, là. OK. Ça veut dire que sans que j'ai des regrets, là, les premiers temps, probablement que je vais me sentir un petit peu soliste, là, mais ça va passer, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai sûrement d'autres occupations, parce qu'avec le judo, j'étais très occupé. Il y a bien des voyages, puis des activités que je ne me suis pas permis parce que j'étais occupé au niveau du judo, mais je pense que les années qui vont venir, probablement que je vais peut-être plus voyager, puis tu sais, m'occuper de moi-même. Ben, bravo. Ben, bravo, Laurien. Bonne retraite. Tu le mérites bien. C'est une page d'histoire dans de Boom Sassini qui s'est tournée samedi soir. Puis au plaisir de se reparler peut-être un autre tantôt. OK, très bien. Voilà, celui qui est en charge au cours des 40 dernières années du club de judo Albatros, Laurien Lévesque, qui prend sa retraite.